construirai pas de merveille, même si je ne peux pas gagner, même si je reste toujours surveille. Si mon allure peut déplaire, qu'on perd du temps à m'escalader. Si vous fuyez, ma gueule cassée, moi vous savez, j'en ai rien à faire. Je suis d'ici, de nulle part, avec ma seule envie de vivre. Armée de ma seule guitare, oh, je saurai vous faire sourire. Je veux éteindre le noir à coups de mille délires. Approchez-vous, venez voir, nous ferons nos devoirs plus tard. Même si le doute en moi me ronge, que jamais je ne reste par peur d'échouer. Si je me perds souvent dans mes songes, je sais que je serai toujours vrai. Si je me bats contre moi, que je voudrais toujours vous plaire, je ne serai jamais un roi et ce n'est pas pour me déplaire. Je suis d'ici, de nulle part, avec ma folle envie de vivre. Armée de ma seule guitare, je saurai vous faire sourire. Je veux éteindre le noir à coups d'un homme et le délire. Approchez-vous, écoutez, ma guitare voudrait s'en mêler. Nos cauchemars envolés, l'amour retrouvé, c'est facile, on suffit d'y.